بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Donc ceci est le cours numéro 6 dans la lecture du livre فتح الملك العلم فتح الرحيم الملك العلام de Cheikh l'imam عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. Et nous nous étions arrêtés au chapitre, à l'entrée du chapitre dans lequel le Cheikh va traiter et expliquer sept noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie des noms splendides d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le Cheikh en intitulé de ce chapitre Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barru, Al-Karimu, الجواد الوهاب الرؤوف يقول الشيخ هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. Donc, le Cheikh va traiter ici de sept noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Barru, la traduction qui m'est parue la plus conforme est de le traduire par le bienveillant, El Barru, le bienveillant, El Karimu, le noble, El Jawad, le généreux, El Wahhab, le donateur, Ar Raouf. Ce qui m'est apparu, c'est que la meilleure traduction Wallahu ta'ala a'lam est le clément, Ar-Ra'ouf, le clément. Puis le Cheikh, donc, il dit concernant ces sept noms, il dit ces nobles noms ont un sens, ont une signification qui est proche. Ces nobles noms se rapprochent, sont proches dans le sens, dans leur sens. Et tous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise par la plénitude de la miséricorde, la largesse de sa bienveillance et sa bienfaisance, et par l'abondance de ses dons, de sa tendresse et de sa clémence. Puis le Cheikh, il dit فَجَمِيعُ مَا فِيهِ. Ici, à mon avis, il y a eu une faute de frappe, une faute d'impression. Et ce qui me semble être plus correct, c'est que le « ha » dans le mot « zaïd »« Al-ha » ou « zaïda » le « ha » a été rajouté. Donc, il dit le « shir »« فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله. C'est-à-dire, le cheikh nous dit ici, tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire le ciel et la terre, tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs et inférieurs, comme chose bénéfique, appréciable, source de bonheur et de bien, tout cela, il nous dit le shir, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, de sa générosité, de sa grâce. كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره. Tout comme et de la même façon, toutes les choses détestables, difficultés, craintes, dangers, toutes ces choses qui sont écartées des gens qu'il y a dans les cieux et sur terre, toutes ces choses qui sont écartées d'eux, tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bienveillance. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هُ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا هُ. Car nul n'amène les bienfaits à part lui et nul ne repousse les méfaits à part lui. Et un point que j'ai oublié de citer lorsque j'ai cité les sept noms dont le shir parle dans ce chapitre, c'est quelle est la différence entre le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim. Quelle est la différence entre ces deux noms, le tout miséricordieux et le très miséricordieux? Il y a plusieurs explications de savants sur cela. Et celle qui me paraît la plus juste et la plus explicite, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous dit Ar-Rahman dallun 'ala as-sifati al-qa'imati bihi subhana والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. Il nous dit Ar-Rahman, le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, indique l'attribut qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala en soi. Sifat al-dhat, sifatun dhatiyya, c'est un attribut qui est intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est en lui-même. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux, indique l'effet de cette miséricorde, l'effet de cette miséricorde sur ses créatures, sur sa créature. Puis il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَكَانَ الْأَوَّلُ لِلْوَصْفِ وَالثَّانِي لِلْفِعْلِ. فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le premier donc, Ar-Rahman, il désigne l'attribut qui est intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième, Ar-Rahim, il concerne l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il explique cela encore Ibn al-Qayyim rahimahullah en nous disant que donc le premier indique la miséricorde, l'attribut de la miséricorde intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses créatures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses créatures en manifestation de cette miséricorde. Sa'id ibn al-Qayyim rahimahullah, il le dit dans son livre Bada'i' al-Fawa'id. Bada'i' al-Fawa'id, au premier volume, page 42. Donc ensuite, le cheikh, il dit « وَرَحْمَتُهُ تَعَالَى سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَتْهُ » La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala précède et prime sur sa colère. وَظَهَرَتْ فِي خَلْقِهِ ظُهُورًا لَا يُنْكَرْ حَتَّى مَلَأَتْ أَقْطَارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَامْتَلَأَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ حَتَّى حَنَّتِ الْمَخْلُوقَاتُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ الَّتِي نَشَرَهَا عَلَيْهِمْ وَأَوْضَعَهَا فِي قُلُوبِهِمْ. Il nous dit donc le shirk que donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui précède et prime sur sa colère, elle se manifeste dans sa création de façon indiscutable, au point de se manifester dans tous les coins des cieux et de la terre, et au point que les cœurs, à tel point que les cœurs en sont remplis. De ce fait, les créatures ont de l'affection les unes pour les autres par cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répandue parmi eux et a mis dans leur cœur. وَحَتَّ حَنَّتِ الْبَهَائِمُ الَّتِي لَا تَرْجُو نَفْعًا وَلَا عَاقِبَةً وَلَا جَزَاءً عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُوهِدَ مِنْ رَأْفَتِهَا بِهِمْ وَشَفَقَتِهَا الْعَظِيمَةِ مَا يَشْهَدُ بِعِنَايَةِ بَارِيهَا وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ. Et cette miséricorde, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également par elle que les animaux, eux qui n'espèrent ni profit, ni finalité heureuse et ni récompense, malgré cela, même les animaux, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ont de l'affection pour leurs petits. Et on voit dans leur compassion pour leurs petits, ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur porte un intérêt, et ce qui prouve sa large miséricorde. وَعَمَّتْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Également, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés à tous ceux qu'il y a, à tous ceux, à tous les habitants des cieux et de la terre. وَيَسَّرَ لَهُمُ الْمَنَافِعَ وَالْمَعَايِشَ وَالْأَرْزَاقَ وَرَبَطَهَا بِأَسْبَابٍ مُيَسَّرَةٍ وَطُرُقٍ مُسَهَّلَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité ce qui leur est bénéfique et leur a facilité les moyens de subsistance, les moyens de survie et les moyens de subsistance. Tout comme il a rattaché cela à des causes qu'il a facilitées, à des causes et des moyens qu'il a facilités. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Donc il n'y a pas une bête sur terre sans que ce ne soit Allah qui subvienne, lui accorde sa subsistance, et il connaît son habitation ainsi que son lieu de dépôt. وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون وقدر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون. نعم. الله سبحانه وتعالى a su de ce qui leur est profitable ce qu'eux-mêmes ne savent pas. Et il leur a prédestiné de cela ceux qu'ils ne veulent pas et ceux qu'ils ne prévoient pas. وربما أجرى عليهم مكارها توصلهم إلى ما يحبون. Et il se peut même qu'il les fasse passer par des difficultés, des choses détestables, qui les amènent à ce qu'ils aiment. بل رحمهم بالمصائب والآلام فجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. Mais carrément, il leur a fait miséricorde à travers ces difficultés et ces douleurs, de sorte qu'il a fait que ces douleurs, toutes ces douleurs sont un bien pour le croyant qui va faire preuve d'endurance. عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Le Cheikh ici donc il nous cite tout d'abord le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: comme est étonnante la situation du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par une aisance, il est reconnaissant et c'est donc un bien pour lui. Et s'il est touché par une difficulté, il endure, et c'est donc un bien pour lui. Et ceci n'est valable que pour le croyant. Ceci ne vaut que pour le croyant. Puis le Shir a cité également une phrase tirée du Coran en disant: il se peut que vous ayez de l'aversion, que vous détestiez une chose, alors que c'est un bien pour vous, Allah sait, tandis que vous, vous ne savez pas. Puis le Cheikh nous dit: وَكَذَلِكَ ظَهَرَتْ رَحْمَتُهُ فِي أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ ظُهُورًا تَشْهَدُهُ الْبَصَائِرُ وَالْأَبْصَارُ وَيَعْتَرِفُ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ. Également, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaît dans ses commandements et dans sa législation, de telle sorte que les gens doués de clairvoyance en attestent et que les gens doués d'intelligence le reconnaissent. فَشَرْعُهُ نُورٌ وَرَحْمَةٌ وَهِدَايَةٌ. Quant à sa législation, elle est une lumière, une miséricorde et une source de guidée. وَقَدْ شَرَعَهُ مُحْتَوِيًا عَلَى الرَّحْمَةِ وَمُوصِلًا إِلَى أَجَلِّ الرَّحْمَةٍ وَكَرَامَةٍ وَسَعَادَةٍ وَفَلَاحٍ. Et cette législation, Allah subhanahu wa ta'ala y a inclus la miséricorde. Cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient de la miséricorde. Et elle amène à la plus grande des miséricordes, au plus grand, à la plus grande des grâces, au plus grand des bonheurs. Et à la plus grande des réussites. Et le chir ici, il fait allusion à l'entrée au paradis, que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient de la miséricorde, elle amène à la plus grande des miséricordes, qui est l'entrée au paradis. Puis il nous dit, وَشَرَعَ فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلَاتِ وَالتَّيْسِيرَاتِ وَنَفْيِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّاتِ مَا يَدُلُّ أَكْبَرَ دِلَالَةٍ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans sa loi des facilités et y a exclu la gêne et les difficultés, ce qui prouve clairement l'immensité de sa miséricorde, de sa bonté et de sa générosité. وَمَنَاهِيهِ كُلُّهَا رَحْمَةٌ لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. Également, tous les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans sa législation sont une miséricorde. Car ces interdits, ils ont été établis afin de préserver des maux. Allah subhanahu wa ta'ala donc a mis tous ces interdits afin de préserver des maux et des préjudices les gens dans leur religion, dans leur raison, dans leur honneur, dans leur corps, dans leurs mœurs et dans leurs biens. Donc tous les interdits reviennent à ces choses qui sont citées, que le cheikh a citées ici, qui est de préserver les gens dans leur religion, leur raison, leur honneur, etc. Et ceci, c'est une chose que les savants appellent Ad-daruriyat as-sitt, c'est-à-dire les six nécessités, comme quoi la religion est venue pour préserver ces six choses nécessaires et indispensables. Ces six choses, ce sont premièrement ad-din, préserver la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré des choses pour préserver la religion. La deuxième, an-nafs, c'est-à-dire l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses pour préserver les âmes humaines. La troisième des nécessités, al-aql, la raison. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses pour préserver la raison humaine. La quatrième chose est « al-nasl », c'est-à-dire la descendance, pour préserver la descendance. La cinquième est el-ird, el-ird, c'est-à-dire l'honneur, pour préserver l'honneur des gens. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses pour préserver l'honneur des gens. Et la sixième et dernière chose qui est al-mal, c'est-à-dire les biens. Donc, ce que les savants expliquent par rapport à cela, c'est que la religion, elle est venue, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans la religion, c'est pour préserver ces six choses indispensables à la vie humaine et à la bonne vie sur terre et dans l'au-delà, qui sont, donc pour résumer, la religion, l'âme, la raison, la descendance, l'honneur et les biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré des choses. Il a légiféré des choses pour que ces six nécessités soient préservées et existent. Et il a légiféré des choses pour repousser tout ce qui peut amener à la disparition ou l'altération de ces six nécessités. Et ceci est expliqué dans des livres pour les étudiants en sciences. Notamment, vous pouvez revenir au livre Al-Muwafaqat de Shatibi et également à plusieurs livres que Al-Qarafi a écrits dans lesquels il traite de cela. Ensuite, donc le cheikh, il nous dit وَأَيْضًا الْأَوَامِرُ وَأَيْضًا الْأَوَامِرُ سَهَّلَهَا وَأَعَانَ عَلَيْهَا بِأَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَسْبَابٍ قَدَرِيَّةٍ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les ordres qu'il nous a donnés et il a aidé les créatures à accomplir et à obéir à ses ordres. Il leur a facilité et les a aidés à cela par des moyens légiférés dans la religion et également par des moyens dans ce qu'il a décrété, dans ce qu'il a décrété et prédestiné dans la création. Et tout cela fait partie de sa miséricorde. Tout cela fait partie de la plénitude de sa miséricorde. Kama anna an-nawahi ja'ala 'alayha min al-'awa'iq wal-mawani' ما يحجز العبادة عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية. Pareillement, concernant les interdits, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des obstacles et des choses qui empêchent les créatures d'accomplir ce qu'il a interdit, sauf celui qui s'y refuse et fuit son obéissance et qui fait partie des personnes dans lesquelles il n'y a aucun bien. وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العبادة ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. Il a également légiféré en matière de dissuasion, de punition et de sanction, ce qui empêche les créatures d'accomplir ces interdits et qui va donc diminuer énormément les maux qui peuvent en résulter. وبالجملة لشيخ التامين قديزان وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. En gros, en résumé, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son ordre sont descendus avec la miséricorde, ou plutôt sont descendus par sa miséricorde et contiennent de la miséricorde et amène à la miséricorde infinie et au bonheur éternel. Et c'est ici que Bi-idhnillah, nous allons arrêter le cours. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.